Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La France devra-t-elle rendre à l'Europe plusieurs centaines de millions d'euros d'aide au développement rural, faute de les avoir utilisés à temps ? C'est ce drôle de ratage que l'on va vous raconter aujourd'hui. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Mardi dernier, le quotidien Sud-Ouest titrait « Aides européennes pour le secteur rural, la France va-t-elle perdre ses millions ?» Cette interrogation fait suite au constat de sous-consommation du fonds Leader. En effet, sur l'enveloppe initiale de 700 millions, seuls 4% auraient été versés. Vous reconnaîtrez, Monsieur le ministre, qu'il nous faut mieux faire. Mieux faire parce qu'à l'heure où l'on reproche trop souvent à l'Europe d'être éloignée de nos citoyens, le programme Leader est un axe fort de son action au bénéfice de nos territoires ruraux. Mieux faire parce que derrière ces aides non versées, ce sont des artisans, des commerçants, des acteurs sociaux et culturels et de nombreuses communes qui sont fragilisées. Alors que le président de Leader France parle de crash généralisé du programme, que de trop nombreux projets sont à l'arrêt, pouvez-nous, Monsieur le ministre, nous rassurer sur le versement des fonds prévus pour la période 2014-2020 avant le terme de celle-ci ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la Sénatrice, je ne vais absolument pas vous rassurer, parce que la situation n'est pas rassurante. Et effectivement, la France, c'est absolument un drame, va perdre plusieurs millions, voire plusieurs centaines de millions liés à l'Europe. Ce n'est pas acceptable. C'est une histoire complètement incroyable. Je l'ai découvert sous votre plume, cette histoire, Antoine Dabundo. Vous êtes journaliste à La Croix. Vous racontez donc comment la France, à une époque où je crois on est plutôt à la recherche d'argent public, arrêtez-moi si je me trompe, la France s'est assise sur des millions d'euros. Expliquez-nous tout d'abord à quoi correspondent ces aides. Alors ces aides, la sénatrice qui pose cette question au ministre de l'Agriculture le dit, ça fait partie du fonds Leader. On peut dire que c'est un sous-programme de la politique agricole commune. C'est un fonds qui est distribué aux pays par l'Union européenne pour, soutenir des projets de développement rural. Ça permet de faire de l'action sociale, ça permet de développer l'action économique dans des territoires ruraux qui ont absolument besoin de cet argent pour développer ces projets. Et comme vous l'avez dit, à l'heure où en France on reparle de la fracture territoriale, des difficultés de mobilité de ces populations rurales, toute l'agitation qui tourne autour des gilets jaunes, c'est une véritable gabegie que de ne pas utiliser cet argent. Alors ces fonds, ils s'adressent à qui et sous quelles conditions ? Alors ces fonds, c'est des fonds européens qui sont donnés à la France pour soutenir des projets qui sont portés par ce qu'on appelle des groupes d'action locaux. Il y en a environ 340 en métropole et dans l'outre-mer. C'est des associations qui réunissent et des élus et des représentants de la société civile et qui vont analyser un certain nombre de projets portés par soit des collectivités locales, soit des associations, soit des acteurs privés qui vont analyser ces projets, qui vont les instruire et qui vont déposer des demandes de subventions auprès de la France pour bénéficier de ces fonds européens qui permettront de développer ces projets. Donc on a ces subventions. Ces subventions, elles sont demandées. Là, est-ce qu'elles n'ont pas été demandées, Antoine Dabundo ? Alors, la sénatrice le rappelle dans sa question, elle parle de 700 millions. En fait, pour la période 2014-2020, l'Europe a accordé une enveloppe d'un peu plus de 700 millions. En réalité, 713 millions à dépenser au cours de cette période. Ces projets, normalement, doivent en bénéficier. Or, il se trouve que nous sommes au démarrage du projet en 2014, nous sommes en 2019, et la question posée au ministre le rappelle, simplement 4% de ces fonds ont été dépensés, et il nous reste plus que 2 ans pour dépenser le solde. Si on n'arrivait pas à le faire, le problème est simple, c'est que on doit rendre le reste à l'Europe. Et donc, on perdrait aujourd'hui près de 650 millions d'euros qui seraient à rendre à l'Europe et qui ne bénéficieraient pas à ces projets. Mais alors le ministre, on l'a entendu, était extrêmement peu rassurant. Alors le ministre le dit d'ailleurs, je ne vais pas vous rassurer car la situation n'est pas rassurante. C'est vrai qu'il hérite de ce dossier. Didier Guillaume n'a pas de responsabilité puisqu'il est arrivé aux affaires tout récemment et il découvre cette situation qui est catastrophique au jour d'aujourd'hui. Et effectivement, il ne rassure pas la sénatrice en question en lui disant effectivement, c'est une véritable catastrophe. La France devra peut-être rendre des centaines de millions d'euros à l'Europe. Rendre, ça veut dire qu'en fait, on les a déjà touchés, Antoine Damundo ? Alors, l'enveloppe, c'est une enveloppe, j'allais dire, virtuelle. C'est une enveloppe qui est donnée à la France à charge pour elle de la dépenser, selon un mécanisme assez compliqué, qui est d'ailleurs au cœur de l'histoire. Quel est le processus de dépense de cet argent ? Et est-ce que ce processus a fonctionné ? Visiblement non, et c'est bien au cœur de la question. Une sorte de gigantesque ratage administratif français, comme on en a, hélas, quelquefois un peu le secret. Alors comment ça a planté ? Alors comment ça a planté ? La sénatrice qui interroge, c'était au début du mois de mars, fait référence à un papier dans Sud-Ouest. Il y a eu quelques papiers qui sont sortis dans Sud-Ouest, dans Marianne, pour citer quelques confrères et leur faire de la publicité, qui reprennent grosso modo une thèse qu'aimeraient bien faire valoir les responsables, qui est celle d'une défaillance d'un logistique. Un logistique qui a été baptisé Osiris. Pourquoi Osiris ? Parce que je l'ai dit, ces fonds dépendent de la politique agricole commune. Et Osiris, c'est un dieu égyptien, comme chacun sait. Les anciens Égyptiens pensaient que c'était le dieu qui avait inventé l'agriculture, d'où le nom d'Osiris. Il n'a peut-être pas inventé la poudre. Et ce logiciel d'Osiris, Osiris gère ces fonds leaders. Et les responsables disent, en réalité, c'est une défaillance de ce logiciel. Il aurait mal fonctionné, il serait cause de ces retards. En réalité, quand on creuse un peu cette piste, on s'aperçoit qu'il y a bien un problème avec le logiciel Osiris, mais qu'en réalité, c'est pas celui d'une défaillance, c'est en réalité une responsabilité administrative. Ce logiciel Osiris, il sert alors, il faut revenir, si vous permettez, d'expliquer un peu comment fonctionne la PAC à grands traits. Bien sûr, avec plaisir. Il y a un peu ce qu'on appelle deux piliers. Il y a le premier pilier, un pilier essentiel pour nos agriculteurs, 450 000 agriculteurs en France, qui touchent des aides directes de l'Europe au titre de la politique agricole commune. Et ces fonds-là sont gérés par un logiciel qui s'appelle ISIS. Et puis il y a un deuxième pilier qui gère tout un ensemble de fonds. Ce sont par exemple les aides à la bio, à l'agriculture biologique. Ce sont les fonds leaders. Ce sont les aides aux zones d'agriculture défavorisées. Et il est géré par un logiciel qui s'appelle Osiris. On a de l'humour en tout voilà. cas. On a de l'humour. En tout cas, on a des références historiques. Et ce logiciel, il a été mis en place très très tardivement par l'administration française. Il a fallu lors de la programmation en 2014, reconfigurer les logiciels de gestion, et l'administration centrale a choisi d'abord de développer le logiciel ISIS parce que c'est celui qui distribue des fonds essentiels, des aides directes aux agriculteurs, les fonds les plus importants. Le pilier 1, c'est 75% des 9 milliards que reçoit chaque année la France au titre de la politique agricole commune. Sans ces aides-là, les agriculteurs, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, seraient sinon morts, en tout cas très fragilisés. Et puis, il a attendu de développer le logiciel Osiris dans un second temps, parce qu'il gère des fonds plus petits, des aides plus petites. Uh-huh. Et donc, on a pris beaucoup, beaucoup de retard. Mais en réalité, ce logiciel a bien été mis en place il y a au moins 2 ans. Uh-huh. Et aujourd'hui, les administrations ont bien l'outil informatique, même s'il est relativement complexe à gérer, ils ont bien l'outil informatique. La vérité, sans doute, même si les deux administrations en charge, les régions et le ministère de l'Agriculture qui ont en charge la gestion de ces fonds, se sont livrés, comme souvent, à une espèce de guerre des services qui a provoqué toute une série de blocages, de retards, qu'on est en train de payer actuellement. Pourquoi n'a-t-on pas pris, Antoine Dabundo, vous qui êtes journaliste à La Croix, un logiciel développé dans un pays étranger, puisque finalement on n'est pas les seuls? Alors, le ministère de l'Agriculture est chargé, et le ministère de tutelle de cette politique agricole commune. Et ça fait partie des complications. Il y a une agence, l'Agence des services et des paiements, qui est un établissement public qui se charge, lui, d'effectuer en réalité les paiements. C'est une sorte d'agence de paiement. Et c'est elle qui a la charge de développer les outils informatiques qui vont permettre de gérer ces fonds. Voilà. Toute cette affaire est extrêmement compliquée. Il y a une part, j'allais dire, d'objectivité, qui est que la France... s'est retrouvé au moment où a été lancée cette programmation de 2014. Vous me dites si c'est trop compliqué, mais c'est la complexité de l'administration française. En 2014, lorsque cette programmation est lancée, lorsque la politique agricole commune pour la période 2014-2020 doit être mise en place par la France, comme tous les autres pays, la France se trouve un peu retoquée par l'Europe parce qu'elle a un registre des parcelles qui permettent de distribuer ses aides complètement obsolète. Et donc, l'Europe lui dit, si vous ne mettez pas à jour ce parcellaire, vous risquez de vous faire retoquer vos aides et d'avoir à les rembourser. Les sommes en jeu sont quand même considérables. C'est presque près de 3 milliards. Donc, la France, avec le couteau sous la gorge, se dit, il faut quand même revoir notre parcellaire pour éviter d'avoir à rendre cet argent. C'est la première raison du retard. L'autre raison du retard qui n'est pas à la charge de l'administration française, c'est que la réorganisation de la PAC fait passer certains fonds du pilier 1 vers le pilier 2. Et il faut reconfigurer l'ensemble du logiciel. Tout ça prend beaucoup de temps. Mais malgré tout, on va, j'allais dire, se tirer une balle supplémentaire dans le pied en organisant une espèce de guéguerre, on peut dire, mais une guéguerre qui promet d'être très coûteuse entre les régions et l'État. Alors, pour comprendre pourquoi cette guéguerre, là aussi, il faut remonter à 2012, à l'époque de la présidence de François Hollande, qui décide de réformer les régions. On va réduire le nombre de régions et on va leur attribuer de nouveaux pouvoirs. Et notamment un qu'ils n'avaient pas, c'est celui de gérer un ensemble de fonds de la PAC et notamment ses fonds leaders. Sauf que on fait les choses, j'allais dire, à moitié. On leur dit, vous avez l'autorité de gestion de ces fonds, mais l'État, le ministère de l'Agriculture, souhaite, lui, garder la gestion des paiements et du contrôle de ces fonds. Et dans cette, division des tâches, il va y avoir toutes les sources de tous les blocages. Le ministère qui doit céder une de ses prérogatives traîne un peu des pieds. Et les régions qui sont très contentes de pouvoir avoir ce nouveau pouvoir n'ont pas tout à fait les compétences, le personnel formé pour le faire et vont tarder à se lancer dans l'instruction de ces dossiers. On va prendre au moins 2 années de retard jusqu'à ce que ceux qui sont les principaux concernés, c'est-à-dire les collectivités locales, les pouvoirs publics locaux, mais aussi tous les réseaux de collectivités, notamment par exemple l'Association des maires de France, pour qui ces sommes sont essentielles pour la vie de leur territoire, mais aussi un autre réseau, une sorte de fédération qui s'appelle Leader France et qui regroupe ce que j'ai appelé tout à l'heure les groupes d'action locales, tire la sonnette d'alarme, dit dès 2016, nous sommes en train de prendre un retard considérable. Et il faut attendre que, coup de gueule après coup de gueule, Matignon, qui est alors dirigé par Manuel Valls, commence à se préoccuper de la situation et dise aux régions, comme au ministère de l'Agriculture, les amis, la récréation est finie, on est en train de prendre un retard considérable et il faut travailler ensemble. Alors, on entend le message du Premier ministre de l'époque et puis on commence maintenant à se mettre au travail, mais le retard est pris. 2 ans ont passé, il faut encore 2 ans pour développer l'outil informatique adéquat. Et voilà, on se retrouve comment de 2014 à 2018 sans ayant pratiquement instruit et payé un nombre misérable de dossiers. C'est complètement vertigineux. Donc du coup, aujourd'hui, on se dit que le retard, il est quasi impossible à combler. Alors, Quand on interroge là aussi les régions, il y a une association qui regroupe les régions de France. On se veut optimiste. La sonnette d'alarme a été tirée. On met les bouchées doubles. On va instruire en urgence tous ces dossiers. Et puis on fait état de ce que il a été négocié auprès de Bruxelles, auprès des instances européennes. J'allais dire un délai de grâce pour instruire ces dossiers. Donc normalement le programme se termine en 2020. Là, on a obtenu un petit délai supplémentaire de l'Europe pour aller jusqu'en 2023. Mais ce sera pas suffisant. C'est vrai qu'il y a un effort qui est fait dans les régions. On en a interrogé certaines. Par exemple, la région Bretagne dit on était très très en retard à 2-3%. On est aujourd'hui passé à 10% en 3 mois. Donc on peut aller. Le délégué général de cette association des régions de France affirme, lui, que en travaillant d'arrache pied, on pourra tout dépenser. En réalité, ce sera pas possible. Ne serait-ce que parce qu'il y a une complication qui va s'imposer à la France, c'est que l'Europe impose de dépenser année après année une certaine somme et que on ne peut pas tout dépenser à la fin. Donc on va perdre, on ne sait pas encore combien, mais on va perdre certainement des dizaines de millions d'euros qui sont extrêmement précieux pour les régions de France. Merci Antoine Damundo. Je rappelle que vous êtes journaliste à La Croix. Superfell a été saccagé par Daphné Abgral à la production, bousillé par Florent Bujon à la technique et surtout ruiné par David Jakubowiez à la réalisation.